Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, une nouvelle, une grande nouvelle que je vais sûrement couper en petits morceaux. Elle s'appelle « Les noces fabuleuses du Polonais ». Elle est écrite par Fouard Laroui et parue aux éditions Pocket. Fouard Laroui est un écrivain maroco-néerlandais d'expression française. Il vit à Amsterdam. Il est né en 1958. Il enseigne l'économétrie, puis les sciences de l'environnement à l'Université libre d'Amsterdam. Parallèlement, il se consacre à l'écriture, il est chroniqueur et également il a une émission à Radio Marocaine Mehdi 1. Voilà, voilà. Donc je vais vous commencer ces noces fabuleuses. Je l'ai bien connu, le Polonais. C'était un brave type, souriant, pas très grand, un peu gros, un peu pâteau, le poil blond et les yeux bleus, des yeux toujours écarquillés, comme s'il était plongé dans un perpétuel étonnement, comme si le monde recelait en son sein une infinité de mystères. Un mystère apparaissait et puis s'évaporait, et naissait le suivant. Et lui, notre homme, passait de l'un à l'autre, jamais lassé, jamais blasé, ravi. Oui, je l'ai bien connu, le Polonais. Il était dentiste, j'étais ingénieur. Nous travaillions à Kouribga, au Maroc, pour la même entreprise, l'Office. J'y dirigeais une gigantesque mine de phosphate, la plus grande du monde, avions-nous l'habitude de dire aux visiteurs ébahis. Mais après tout, nous n'avions pas été voir du côté des Chinois. Il y avait peut-être encore plus grand là-bas. Le Polonais s'occupait de notre dentition, ainsi que de celle de nos ouvriers et de nos contremaîtres, et par extension, des dents de la ville entière. Si j'ose dire, chacun étant bien capable de trouver, s'il le fallait, un lien de parenté avec un ouvrier ou un contremaître ou même avec un ingénieur complaisant. Moyennant quoi, chacun pouvait se présenter en consultation chez le Polonais, larmoyant, la main posée sur la joue, un rictus douloureux signifiant « soigne-moi ». Il soignait tout le monde. Il le faisait avec une rare dextérité, ce qui surprenait chez un bonhomme en apparence aussi balourd. Qu'est-ce qu'un enfant de la Vistule pouvait bien faire sur le plateau aride des Oulad Abdoun, où ne coulait aucune rivière, où il ne pleuvait qu'une année sur trois? En ces temps-là, dans les années 80 du siècle dernier, le lointain gouvernement de Varsovie avait besoin de devises, le nôtre de médecins et de dentistes. On s'approcha, on se parla, on s'écrivit peut-être. Je ne sais pas comment se font ces choses. Un accord de coopération fut, en tout cas, signé entre les deux gouvernements. Et en conséquence, nous vîmes un beau jour arriver sur le plateau un groupe de Polonais. Certains l'air méfiants, d'autres curieux ou conquérants, tous bien décidés à prendre soin de notre petite santé, que cela nous plût ou non. Cela nous plût. Ils étaient compétents, les Polonais, efficaces, placides et très discrets. Nous ne fûmes pas longs à nous apercevoir qu'il y avait une différence entre Maciek et les autres fils du Nord. Eux ne se mélangeaient pas. Ils restaient sur leur compte à soi, vivaient en vase clos, se fréquentaient entre eux et gardaient leur distance avec l'autochtone. Même sur l'unique court de tennis du club des ingénieurs, ils avaient le droit de s'y inscrire. Ils faisaient partie de l'élite de Kouribga. Même au tennis donc, et alors qu'ils auraient pu se mêler à nous, nous ne demandions que ça, ils préféraient s'affronter entre Polonais en couple mixte, à grands coups de raquettes, poussant des exclamations que personne ne comprenait, sauf eux, je suppose. Maciek était différent. Il était célibataire, le seul du groupe. et dès le premier jour, il montra un intérêt marqué pour la ville et ses habitants. Très vite, il se détacha, en quelque sorte, du groupe slave pour aller vers l'inconnu sémite, pour se promener seul dans les rues de Korybga, le nez au vent. C'était tellement incongru que parfois de bonnes âmes, en quête de bonnes actions, entreprenaient de le ramener de force à ses pénates, persuadés qu'ils s'étaient égarés. L'explorateur Rubicon devait se débattre pour leur faire lâcher prise. Cela finissait par des éclats de rire. Ces pénates, justement, parlons-en. Alors que tous les Polonais avaient choisi de vivre en groupe dans des espèces de baraquements neufs et propres, mais rébarbatifs, qui présentaient l'intérêt de ne rien leur coûter, l'office les mettait à la disposition des ingénieurs ou des médecins débutants, le temps qu'on leur trouvât un bel appartement ou une villa. Matchek avait très vite réclamé une villa, quitte à devoir en payer le loyer. Et c'est ainsi qu'il se coupa encore plus de ses compatriotes. En fait, il habitait seul, loin des baraquements, loin des siens. Mais il avait un beau jardin. Il s'en occupait avec plaisir quand il en avait le temps. Il maniait le sécateur avec la même dextérité que ses outils de travail. Comme il laissait le portail grand ouvert, on pouvait le voir aller et venir en salopette bleue dans son royaume, l'air parfaitement heureux. Nous ne tardâmes pas à noter l'intérêt que portait le Polonais, solitaire, à la gente féminine locale. Aux yeux des autres Polonais, qui étaient tous mariés et vivaient en couple avec des blondes indistinctes, je veux dire qu'il était difficile de les distinguer les unes des autres au premier regard, car sous le soleil implacable de Korybga, nous ne voyons d'abord que leur blondeur qui nous éblouissait, le temps pour elles de disparaître prestement aux yeux des autres Polonais. Donc, les femmes de Korybga n'existaient tout simplement pas, sauf lorsqu'elles devenaient leurs patientes. Et même dans ce cas, ce n'était que des corps, pas des personnes. Que des corps. Je me souviens d'un gynécologue bavard venu de Cracovie qui me décrivit un soir, qu'il avait trop bu, avant de venir dîner au club, quelques bizarreries intimes de certains corps féminins de Korybga et de la région. Car il s'occupait aussi des villages voisins. Par exception, il était seul ce soir-là. Le gynéco, sa femme ayant une migraine carabinée et s'étant allée coucher tôt. Il vint s'asseoir à ma table après m'en avoir, d'un geste poli, demandé la permission et m'entreprit dans un anglais d'aéroport truffé de mots français et de jurons cracoviens. Il était un peu saoul pour décrire les dites bizarreries intimes des Korybguis. Il s'aidait parfois de ses mains qui dessinaient dans l'air des courbes, des cavités, des épanchements. S'il s'assit à ma table et s'il me parla sans prendre de gants, si j'ose dire, s'agissant d'un médecin, c'est qu'il était persuadé que j'étais français, bien que je lui eusse affirmé à plusieurs reprises, en d'autres occasions, que j'étais marocain, sujet de Hassan II, qui régnait sur l'empire kérifien en ce temps-là. À d'autres, semblait dire son regard goguenard, les Français ne laisseraient jamais un Marocain diriger la plus grande mine du pays. Ce gynécologue, très peu versé en histoire, même en celle qui se déroulait sous ses yeux, s'imaginait que le Maroc était encore un protectorat français. À chacun ses approximations historiques. Mais il ne fallait pas lui dire que son pays était un protectorat soviétique. J'eus la mauvaise idée de lui suggérer ce soir-là, agacé qu'il se trompât au sujet du mien. Et il tapa violemment du poing sur la table à presque en fendre celle-ci. L'ingénieur Benhima, qui dirigeait alors toutes les activités régionales de l'office et qui dînait à une table contiguë à la nôtre, se tourna vers nous, le sourcil froncé. Je lui fis signe que tout allait bien. « Querelle d'Allemand avec un Polonais, chuchotai-je. Il daigna sourire, il avait des lettres, haussa les épaules et, se retournant, nous laissa à notre dispute. Où en étais-je ? Ah oui, pour les Polonais, nos femmes n'étaient que des corps. À la fameuse question « Les femmes ont-elles une âme ?» qui hante, sans doute à tort, l'histoire ecclésiastique, ils auraient, en bon catholique, hésité à répondre en ce qui concerne précisément les femmes de Kouribga. Ils ne voyaient et ne soignaient que les carcasses vigoureuses de ces descendantes de la confédération de tribus arabes qu'on appelle les Banu Hilal, et qui vinrent, il y a des siècles, s'installer dans les parages après avoir ravagé, comme une nuée de sauterelles, précise Ibn Khaldoun, toutes les terres qu'ils avaient traversées, de l'Égypte jusque chez nous. Mais Maciek était différent. Oui, nos femmes étaient des corps. Et comment ? Il en raffolait. Mais il s'intéressait vraiment à elles, à leurs rêves, à leurs envies, à leurs problèmes. Tout cela l'intriguait. Il aurait voulu leur parler. Il décida très vite d'apprendre la langue du cru, le dialecte marocain, la Darija. Mis au courant, les autres Polonais décidèrent qu'il était fou. Eux se satisfaisaient d'une centaine de mots français qui leur permettaient de se tirer d'affaire dans la ville et dans son orbe, et même de poser des diagnostics. Ce devaient être des génies, voire à l'occasion de guérir des malades. Ils se moquèrent de lui et l'ostracisèrent un peu plus. Pour eux, il était sur une mauvaise pente. Maciek haussa les épaules et s'obstina. Il portait sur lui, dans la poche de son pantalon, un petit carnet gris qu'il sortait prestement dès qu'il entendait un mot qu'il ne connaissait pas. « Comment dites-vous » demandait-il en mouillant la pointe de son crayon. « Et qu'est-ce que cela signifie ?» Il transcrivait en lettres latines ce qu'on lui disait en arabe. Son vocabulaire s'enrichissait sans cesse. Je crois qu'il était doué pour les langues. Bientôt, il éprouva le besoin de connaître aussi la grammaire, la syntaxe, les subtilités du langage local. Il s'en ouvrit au frère de l'ingénieur Tahiri, qui était enseignant au lycée Ibn Hassin. « La Darija ?» s'offusqua le frère de Tahiri. « Mais elle n'a ni grammaire ni syntaxe, ni aucune subtilité. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à apprendre. C'est le dialecte grossier de ces sauvages descendants des Banu Hilal. » Pourquoi, alors, habitez-vous parmi eux ? S'étonna le naïf Polonais. « Parce qu'il faut bien vivre, » grinça le professeur. « Le ministère m'a muté ici, où je m'étiole et m'assèche. Oublions le dialecte. Je peux vous enseigner les rudiments de l'arabe classique. C'est la plus belle langue du monde, la plus riche, la plus... On la parle ici, à Kouribga. Ces bouseux de Banu Hilal, vous rêvez. Ils ne baragouinent que la Darija, qui n'est pas une langue. Je souffre chaque fois que... » Apprenez-moi, monsieur, la Darija, interrompit Maciek, que les états d'âme élitistes de Tahiri n'intéressaient pas. Je vous paierai. Très bien, mais vous soignerez mes dents en priorité et avec la plus grande minutie. D'accord, et celle de ma mère aussi. D'accord, maman. C'est ainsi que deux ou trois fois par semaine, le Polonais allait voir le Marocain qui lui enseignait de très mauvaise grâce et en pestant dans sa barbe la langue qu'il pratiquait pourtant lui-même tous les jours. Au bout de 2 mois, et alors que les autres Polonais commençaient à peine à comprendre comment fonctionnaient les transports publics à Kouribga, il n'y en avait pas, Maciek, lui, allait au café avec une bande d'ouvriers que son accent, lorsqu'il prétendait parler Darija, rendait hilar. Il passait de longues heures avec eux, parlant de tout et de rien, brandissant son petit carnet gris, apprenant 1000 détails de leur vie et leur racontant la Pologne, pays mythique, où ne coulent pas le lait et le miel. Il avait une appréciation mitigée du pays de ses ancêtres. On verra pourquoi. Mais dont l'équipe de football accomplissait à l'époque des exploits sur tous les terrains du monde. Les ouvriers de Korybga, eux-mêmes, connaissaient les noms de Lato, Tsarmar et Gadocha, pour avoir vu sur leur écran de télévision ces talentueux footballeurs cavaler en poussant un ballon devant eux. Maciek prétendait les connaître tous et être le cousin de certains. On le regardait avec admiration. On lui donnait des tapes sur l'épaule. Il offrait une tournée générale de Coca-Cola. Les autres Polonais commencèrent à léviter. Il leur faisait honte, sans doute, à se mélanger ainsi avec la plèbe locale. Lui n'y accorda aucune importance. Il avait fini par couper les ponts avec ses compatriotes. L'administration locale, le pacha, la police reçut des rapports. L'office bougonna. On ne le payait pas pour s'encanailler dans les troquets. On le sermonna, on lui conseilla discrètement de ne plus aller en ville avec la classe ouvrière. Il haussa les épaules. « Je fais ce que je veux de mon temps libre. » Il y avait, m'a-t-on dit, des mouchards de la police dans la petite bande d'ouvriers qui entouraient habituellement Maciek. Peut-être était-il un espion ? Les mouchards faisaient leur rapport hebdomadaire au commissaire Benani, mais il n'y avait rien à reprocher au dentiste. Par prudence ou par indifférence, il n'évoquait jamais les trois sujets sensibles. Dieu, le roi et notre Sahara récupéré par les villes espagnoles. Le commissaire Benani se grattait l'occiput. Si la Pologne avait décidé d'espionner les ouvriers de Korybga, il n'en comprenait pas la raison. Les ouvriers en question avaient remarqué, eux, que Maciek adorait les femmes. On n'avait pas besoin d'avoir un grand sens de l'observation pour s'en rendre compte. Dès que l'une d'elles apparaissait sur le trottoir, allant d'un pas vif, le regard baissé, le Polonais s'arrêtait de parler ou d'écouter. Hypnotisé, il suivait des yeux, de ses yeux d'un bleu limpide, l'apparition, la bouche légèrement ouverte, et parfois une goutte de sueur perlait sur son front rose. Lorsque la fille fut-elle réduite à une silhouette engoncée dans un drap noir et dont on ne voyait rien, c'était toujours une fille qui semblait passer devant Maciek, médusée. Lorsque donc la fée avait disparu, il revenait à lui, après s'être ébroué bruyamment comme un cheval, sous les éclats de rire des ouvriers, et continuait de raconter les plaines de son pays et de noter dans son carnet que « Gunfood » signifie « hérisson ». On lui en montrait un, enveloppé dans un mouchoir, tremblotant son minuscule museau, humant l'atmosphère enfumée du café. « Gunfood » hurlaient les ouvriers. C'était de grands pédagogues. Ils criaient très fort. Maciek griffonnait dans son carnet et répétait « Gunfu, Gunfu » jusqu'à temps qu'une femme parut. Il était alors parti, perdu et dans d'autres mondes. Les ouvriers le charriaient un peu gentiment. « Elles te plaisent, hein, nos femmes, nos aroubiates ?»« Voilà, » répondait-il, « elles me rendent, m'kmek !» Tout le café rigolait. Un jour qu'il était avec ses amis prolétaires au café de la Poste en train de boire force Coca-Cola, ce breuvage exotique n'existait pas dans la Pologne communiste de l'époque. Il fallait venir jusqu'à Korybga pour y goûter. La conversation tourna, comme souvent, sur les femmes. Maciek avait fait assez de progrès pour pouvoir s'exprimer à peu près clairement dans un sabir mêlant la darija, le français, les gestes, le rire égrillard, les grimaces, le polonais et de grands coups sur la table. Bref, on parla des femmes, mais cette fois-ci, le dentiste se mit à parler d'un sujet connexe. Dites, les amis, j'aimerais bien assister à un mariage typiquement marocain. Je voudrais bien voir ça. Ça se passe comment ? On ne se marie pas à Kouribga, comme en Pologne, non ? Ça doit être très exotique. Il veut assister à un zouaïch. Matchek. Mais tu es le bienvenu dans le prochain zouaïch de ma famille. Clamèrent 20 voix amies. Ce sera quand ? Demanda-t-il plein d'espoir. Les ouvriers se mirent à réfléchir. Certains à compter sur leurs doigts. L'un d'eux, un contremaître en fait, allait se marier quand, mais il fallait attendre la prime, ce qui prendrait au moins 8 mois. Un autre évoqua son neveu Bouchta, un rude gaillard qui avait sa promise à Ouedzem. L'affaire était conclue, mais les épousailles ne se feraient pas avant la moisson. 6 moissons il y avait, car on n'avait pas encore vu une goutte de pluie. Un troisième parla de sa cousine Kadjouj, qu'il avait bien l'intention de mener un jour devant les Adouls, puis dans son lit. Mais il fallait patienter. Elle n'avait pas 8 ans. Un autre, bref, de noces, il n'y en avait aucune de prévue dans les 6 mois, hélas. Déçu, Matchek se consola avec une bonne rasade de Coca-Cola, changea de sujet, puis se perdit dans le sillage d'une banouidale qui passait en galopant. Maintenant, il faut que j'introduise dans cette histoire, avec une certaine réticence, un type que je n'aimais pas, dont je me méfiais à cause de son regard fuyant, de son air chafouin, de son rictus permanent qui annonçait... Je ne sais pas ce qu'il annonçait, son rictus, mais ce n'était pas la pluie ni les jours heureux. Bon, nommons-le Moussa. Ce n'est pas son vrai nom. Le pseudonyme, c'est pour ne pas désobliger ses enfants, s'il en a eu, et qu'ils habitent encore à Kouribga. Après tout, ils ne sont pas responsables de ces vilenies. Moussa était l'un des 300 ou 400 ouvriers qui travaillaient dans la mine que je dirigeais alors. Professionnellement, je n'avais rien à lui reprocher. Il faisait correctement son travail, ne buvait pas et ne s'absentait jamais, ou alors avec une permission express. Mais il y avait cet air sournois. Il y avait quelque chose du serpent en lui. Un jour que j'allais acheter un journal dans l'unique kiosque de Kouribga, j'aperçus Moussa assis au café avec d'autres ouvriers et Matchek. C'était la première fois que je voyais le Polonais ainsi mêlé aux classes dangereuses. On m'en avait parlé, bien sûr, mais je n'avais encore jamais vu une telle scène moi-même. J'eus un mauvais pressentiment. Les autres ouvriers étaient de braves types au fond. Pas Moussa. En rentrant chez moi, je me dis qu'il fallait peut-être que j'en avertisse le Polonais. Mais l'affaire était délicate. En quoi tout cela me concernait-il ? Et puis, que pouvais-je reprocher à Moussa ? C'était l'époque où l'expression « délit de faciès » commençait à apparaître dans la presse francophone. Allais-je faire cela, cette injustice, débiner quelqu'un parce que sa tête ne me revenait pas ? Je décidai de ne rien faire. J'eus tort, ou peut-être pas, cela dépend. Cette histoire peut se lire de plusieurs façons. On va le voir. Quelques jours après la conversation qui avait tourné autour du mariage, le dénommé Moussa, rencontrant Matchek au café de la Poste, manœuvra habilement jusqu'à remettre le sujet sur le tapis. Matchek était seul, attablé devant sa bouteille de coca, s'efforçant de remplir la grille de mots croisés du matin du Sahara. C'était pour lui une façon d'améliorer son français, encore que les définitions du matin fussent assez rudimentaires à l'époque. Bref, il s'interrompit pour bavarder avec Moussa. Celui-ci finit par susurrer. « Tu tiens toujours à assister à un mariage marocain ?»« Oh oui !»« Eh bien !» Puisque tu es notre ami, il ne précisa pas qui était le « nous » auquel faisait référence ce « notre », puisque tu es notre ami, nous allons t'offrir un mariage. Comment ça ? Demanda Maciek ébahi. C'est simple. Nous allons mettre en scène un mariage traditionnel. Il aura toutes les apparences d'un vrai, avec de la musique, les tchèquettes, c'est des danseuses folkloriques, la tambouille, etc. Mais ce sera du chiquet, ce sera pour rire. Toute la bande de copains va y participer. Qu'est-ce qu'on va s'amuser ? Et on prendra plein de photos, tu pourras les montrer à ton retour en Pologne. Tu épateras tout le monde là-bas. Ce sera une expérience unique. Maciek en eut presque les larmes aux yeux. Vous feriez ça pour moi ? Oh merci, vous êtes vraiment des amis. Ouais, on t'aime beaucoup. L'autre, intéressé, le regard brillant, demanda. Qui jouera le rôle du marié ? Moussa esquissa un sourire sardonique. « Mais toi, mon ami, toi, ainsi tu seras en première ligne, en quelque sorte. Tu verras tout, tu entendras tout, ce sera ta fête. » La face de Maciek s'illumina. Puis il prit un petit air grivois. « Et qui jouera le rôle de ma femme ?» Moussa toussota, regarda autour de lui et souffla. « J'y ai pensé. Une mienne cousine du nom de Daouia fera parfaitement l'affaire. Daouia, quel joli prénom. Et elle est d'accord ? Bien sûr, elle ne demande que ça. Elle adore rendre service. » Maciek en eut les larmes aux yeux. Il prit Moussa dans ses bras et lui planta deux bises sonores sur les joues. « Moussa, tu es un frère. » Kouya, mon frère. Oui, oui, c'est ça, il y aura des frais. Tu ne t'imagines pas que nous autres ouvriers, nous pourrions financer toute une noce. Tchèquette et gueuleton inclus. Il prit un air dépité. Avec nos salaires, nous ne pourrions même pas marier deux souris. Je payerai tout, le rassura Maciek. Qu'est-ce qu'on va s'amuser ? « Top là !» dit Moussa. « D'accord. » Aujourd'hui encore, longtemps après les faits, il y a quelques détails de cette affaire que je ne comprends pas. Par exemple celui-ci. Est-ce que tous les ouvriers étaient de mèche avec Moussa ? Ou avaient-ils réussi à les embobiner eux aussi ? Ou bien n'avait-il que quelques complices parmi eux et les autres contribuèrent, sans le savoir, à la mascarade ? Qui était au courant ? Quoi qu'il en soit, Moussa tint parole. Quelques semaines après sa conversation avec Maciek, il avertit celui-ci que le mariage pour rire se ferait le week-end suivant, plus précisément le samedi. « Mais dès vendredi, les choses sérieuses commenceront !» précisa-t-il. Que va-t-il se passer vendredi ? Eh bien, ce jour-là, tu te convertiras à l'islam. Quoi ? C'est pour rire, naturellement, mais autant faire les choses comme il faut. Seul un musulman a le droit d'épouser une musulmane. Tu ne crois tout de même pas que Daouia est chrétienne ? Maciek, un peu dépassé, murmura. D'accord. Puis, ouvrant grand les yeux, ayant déjà accepté de renier, pour rire, 35 ans de culte marial, il s'inquiéta. Mais comment se convertit-on à l'islam ? Ça doit prendre des années. Au contraire, c'est l'affaire de quelques minutes, mais tu dois d'abord acheter une djellaba blanche. D'accord. Moussa emmena sur le champ le Polonais chez un de ses acolytes qui tenait au fond d'une ruelle une petite échoppe. Là, l'attendait une djellaba blanche qui, miracle, lui allait comme un gant, selon l'avis des deux hommes. Maciek paya ce qu'on lui demandait. Il sortit de la boutique avec un grand carton contenant sa djellaba, fière comme Artaban. Je crois que je vais faire cette petite pause pour aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser avec une polka polonaise, hein, bien sûr. Allez, à tout bientôt, à la semaine prochaine.